السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، donc la dernière fois on avait fini dans ce livre l'un des piliers de la foi qui est l'iman bil qadar. On a pris ce qui était relatif de façon résumée, mais des points importants de l'iman bil qadar, la foi en le destin. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال السادس والخمسين بعد المئة 156e question. كم شعب الإيمان؟ De combien sont les branches de la foi؟ يقول قال الله تعالى ليس البير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البير من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dans le sens où Allah dit que la montée pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant, mais cependant elle consiste à croire en Allah au jour dernier, ainsi qu'aux anges, ainsi qu'aux livres, ainsi qu'aux prophètes. Et c'est celui également qui donne de ses biens, tout avec amour pour ses biens, mais il en donne quand même, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants méritants, et pour libérer des esclaves, et qui aura accompli la salat, qui sera acquitté de la zakat, et ceux qui respectent leurs engagements lorsqu'ils en prennent, et ceux qui patientent dans la dureté et l'épreuve, et lorsque les choses s'amplifient, ceux-là sont ceux qui sont véridiques, et ceux-là sont les pieux. Regardez toutes ces belles sifates. Pour qui sont-elles ? وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc il a dit la foi est d'une soixantaine, dans une autre version, soixante dizaines de branches. La plus haute, c'est de dire la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est d'ôter les obstacles du lieu de passage. Et que la pudeur fait partie de la foi. طيب, concernant l'Iman. L'Iman, هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Cette foi, elle est une parole de la langue, une croyance du cœur et des actes des membres. Et cette foi, elle augmente par les actes d'obéissance et elle descend par les désobéissances ou par l'absence d'actes d'obéissance. Tu peux ne pas forcément faire de péché, par exemple, mais le fait que tu fasses peu d'actes d'obéissance, ça fait que ta foi, elle descend. Et combien on voit de gens qui se plaignent d'avoir la foi basse ? Je sais pas, la foi, j'ai un coup dans la foi, et ainsi de suite. Et ça revient à ce qu'on disait hier quand on parlait des vacances. Je voulais en revenir, parce que hier j'ai dit des choses, et il y a des choses à rajouter. Qui sont que le musulman, il doit passer sa vie à faire en sorte que celle-ci lui soit profitable pour ce qui est dans l'au-delà. Beaucoup de choses lui sont permises. Lui sont permises, d'ailleurs la plupart des choses lui sont permises. Et parmi elles, le fait de prendre du repos, un temps de repos, comme a connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ فَعْتِي كُلَ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. Que ton Seigneur, il a droit sur toi. Que tes proches, ta famille, ils ont droit sur toi. Et que ton propre nef, ton corps lui-même, a un droit sur toi. Donne à ton corps, donne à chacun, ayant droit, son droit. Donc, il y a un temps pour le repos. Il y a même un temps des fois pour les loisirs, tant que c'est halal. D'accord ? Mais ces choses-là, faut les rendre utiles. أن تكون في طاعة الله عز وجل. Faut rendre la chose utile également. Combien de gens te disent tout le temps, ah, j'ai la foi, elle baisse, la dunya me fatigue à cause du travail, j'ai pas le temps de lire du Coran, j'ai pas le temps d'aller au mosquée faire la salat en jama'a, j'ai pas le temps de faire telle et telle chose, je peux pas jeûner, je suis occupé par le travail, je ne peux pas lire un peu dans les livres, je ne peux pas écouter les doulous, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Ok, mais le par exemple, je sais pas, je suis trop fatigué à cause du travail, et ainsi de suite. Combien de choses? On dit, Tayeb, bah, quand t'as un temps de vacances, t'as un congé, profite justement de ce temps-là pour prendre les choses qui te sont utiles et qui t'apporteront le vrai repos. Comme encore la ta'ala, Allazina amanu tatmainu kulubum bizikrillah, Allah bizikrillah tatmainu kulub. Ceux qui ont cru et ceux qui, par l'évocation d'Allah, leur cœur s'apaise, n'est-ce pas, par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. C'est pas les vacances qui vont t'apaiser. Voilà, où que tu ailles. C'est pas aller faire du jet ski, aller faire du ski, aller faire du quad, aller faire du cheval, aller faire ce que tu veux. Ça va pas t'apaiser, ça. C'est pas comme ça que le musulman il s'apaise. Ou aller à la mer, ou je vais faire du ski nautique, je ne sais quel loisir. Ça fait pas monter la foi, ça, pas du tout. Ça te fait oublier l'au-delà, ça te fait t'accrocher à la dunya encore plus. Ça te fait oublier la dunya, ça te fait oublier l'au-delà. Ça t'éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si c'est permis. Ne dis pas qu'en allant faire ces loisirs-là, que ta foi monte. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ta foi monte pas. T'oublies même. Des fois, c'est de la salate, tu dis, ah, je suis voyageur, là, je raccourcis, je peux me dire pourquoi, parce que t'es occupé à faire un loisir. Donc ces vacances-là, en réalité, elles t'apportent quoi à ce moment-là? Alors que justement, t'as un temps, t'as un congé, t'as un temps, profites-en pour faire des choses que tu ne peux pas faire quand t'es occupé. Lis du Coran. Va au masjid. Fais des choses qui concrètement t'apportent l'apaisement du cœur. Et en plus, tu vas pas perdre d'argent, tu vas pas perdre de temps. Parmi les choses les plus importantes qu'on a, c'est le temps. Le temps. Comme a dit Bardo Salaf, Anna kulla yawm yamur wa bardo mink yamur. Que chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui part. Et que cela ne fait que se rapprocher de ton échéance. Et nous, on est là à perdre le temps, à faire des choses qui ne nous rapportent rien du tout. Il n'y a pas un bénéfice derrière. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, ils n'étaient pas à portée d'eux qui partaient, qui quittaient le Médina. C'était pour des choses, soit pour partir pour le djihad, soit pour la da'wah, ou soit pour du commerce. Mais ils partaient pas comme ça, faire le tourisme, gratuitement, et aller perdre leur temps. Jamais. Ils partaient, ils voyageaient. Mais leur voyage, il avait derrière une maslaha pour eux derrière. Hein, mais aujourd'hui, on part juste pour dépenser de l'argent, aller en vacances et se reposer et jouer. Donc, ça qu'on voulait dire par rapport à ça. Voyez. Donc, tes vacances, tu veux les faire, rends-les utiles à ta religion. Donc, choisis les bonnes destinations, vas-y avec les bons compagnons et dans les bonnes circonstances. Dans les bonnes circonstances. Sans quoi, aller en vacances, c'est pas haram. Mais quand tu le fais, le fais pas comme le font les koufars et comme le font les inattentifs, les mourafaloun qui pensent pas à Allah Zawajal et qui pensent pas à voilà quoi. Et je rappelle bien mon kalem, il est pour là les gens là qui savent qui veulent faire la hijra et qui veulent la faire. Je parle pas de ceux qui voient un avenir en France, je parle même pas avec ces gens-là. Ça sert à rien de parler avec des gens comme ça. À Sabahawa, tu peux parler pendant 10 ans, tu parles à un mur. Là, je parle de gens qui ont pris conscience qu'il faut qu'ils partent de ce pays-là et qui doivent partir. Ceux-là qui pensent à ça, jamais il va se dire, en vacances, il aura l'esprit apaisé, il va dire, mais qu'est-ce que je fais là? À qui il va pas se sentir bien? Il va pas se sentir à sa place. Il va pas se sentir qu'il fait une chose qui lui soit vraiment, utile. En toute logique, hein, maintenant, s'il ressent le contraire, faut qu'il se mette en question. Voilà, s'il voit qu'il se sent bien, qu'il est mourtard, qu'il est à l'aise, et alors qu'il sait qu'il doit faire la hijra, franchement, c'est qu'il y a un problème. Ah, énorme. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, sur les branches de la foi. Yaqul fi sawal as-sabi' wal-khamsin wa ba'd al-mi'ah. 157e question. Bima fassara al-ulama hadhihi al-shu'ab. Donc comment est-ce que les savants ont interprété justement ces branches de la foi? Qad 'addaha jama'atun min shurah al-hadith wa sannafu fiha tasanif wa jadu wa fadu walakin laysa ma'rifat ta'addadaha aw ta'addidaha. وتعدادها شرطا في الإيمان بل يكفي الإيمان بها جملة. Donc plusieurs ulama ont voulu expliquer justement quelles sont ces branches, ces 70 branches ou 60 branches. Ils ont écrit des livres, ils ont fait beaucoup d'efforts. Cependant, dénombrer ces branches de l'iman et les connaître une par une ne font pas partie de la foi en elle-même. Il suffit d'avoir connaissance qu'il y a des branches de la foi de façon générale pour que l'objectif soit atteint. Pas obligé de savoir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose en détail. قال وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها قد استكمل شعب الإيمان. Donc, à savoir que ces branches de la foi ne sortent pas du livre de la Sunna. Donc, il suffit aux serviteurs d'observer les ordres, d'éviter les interdits et de croire aux informations. Et de là, ces branches de la foi seront complètes. On ne demande pas plus. والذي عدده حتى كله من أمور الإيمان ولكن القطع أنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. Et on a qu'on voulu justement vraiment citer 70 ou 60, d'accord? Et cela, en réalité, demande une parole précise et concise du Nabi صلى الله عليه وسلم qui éclaircit cela. Pour dire que c'est un travail qui n'est pas inutile, mais qui en réalité n'est pas une chose qui est demandée. De savoir chaque branche l'une après l'autre. En détail. يقول اذكر خراسات معدوه. Donc maintenant il dit dans la question, hein, j'ai oublié de dire 158e question. Maintenant il dit c'est quoi le khurasa justement de ce que ces ulama ils ont cité, en gros de ces branches de la foi. Et Al-Hafiz dans son Sharh al-Bukhari dans le Fath al-Bari, il a rapporté de Ibn Hibban que c'est Shu'ab قال تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البنان, que ces branches de la foi sortent justement des actes du cœur, des actes de la langue, c'est-à-dire les paroles, et des actes du corps. Parce que c'est ça la foi, comme on a dit au début. Ces trois choses-là. Donc ces Shu'ab, ces branches de l'iman, elles rentrent dans ces trois catégories-là. Donc il dit par exemple les armelles du qalb, il y a le mortakadat wa niyat, les croyances et les intentions qu'on a. À la 24 khisra. Et lui, les a mis d'une 25 branches à peu près. Et il y a le fait de croire en Allah. D'accord? Croire en Allah. Ce qui implique le fait de croire en Allah, en son essence, en ses attributs, en son tawhid. Laysa ka mislihi shay. Wa samir al-basir, qu'il n'y a rien qui est comme lui, il est le parfaitement audient et le clairvoyant. Shura, la consultation, verset 11. Wa'tiqad hudouth ma'dun wal iman bi malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal qadar khayri wa sharrihi wal iman bil yawm al-akhir. Et cela contient également les croyances qu'il faut croire en dehors d'Allah Azza wa Jal, les choses qui sont relatives au jour dernier et aux choses de l'invisible. D'accord ? Comme la foi en les anges, ou la foi en les livres, tous, et en les messagers, et la foi au qadar, qu'il soit bon ou mauvais, et la foi au jour dernier. Tout cela rentre dans les branches de cette foi. وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْقَبْرِ وَالْبَعْثُ وَالنُّشُورُ وَالْحِسَابُ وَالْمِيزَانُ وَالصِّرَاطُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَمَحَبَّةُ اللَّهِ وَحُبُّ وَالْبُغْضُ فِيهِ وَمَحَبَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِقَادُ تَعْظِيمِهِ. Et cela concerne également ce qui touche à la tombe, ce qui s'y passe, à la résurrection, à la remise des comptes, la balance, le pont, le paradis, le feu, l'amour d'Allah, et l'alliance et le désaveu, et l'amour du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces choses-là. Et ça rentre dedans la salat sur le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de suivre ses sunan. Et la sincérité. Également de délaisser l'ostentation et l'hypocrisie et de faire la tauba et d'avoir la peur légiférée et d'avoir l'espoir, l'espoir légiféré et d'être reconnaissant, le shukr, le remerciement, ou le wafal, la loyauté, le sabr, la patience, un rida bil qada, qu'il faut se résigner et accepter ce que Allah Azza wa Jalla a décrété et l'agréé, et tawakkul et la miséricorde et tawadur, la modestie. D'accord? Il dit ça rentre dedans également tawqi' al-kabir, respecter les personnes âgées, ar-rahma bis-saghir, d'être miséricordieux envers les petits, et de délaisser l'orgueil, et d'être humble de sa personne. Tout cela, c'est à délaisser. L'amour propre, trop fort. ادريسي الحسد لا جالوزي الحقد لو ميبري اي ترك الغضب ديسي لا كولير كي ال اي بلاسي ان كونتكست كاين دي كولير كي سون ليجيفيري ميم دي كولير كي سون اوبليغاتوار lorsque les hudud d'Allah azza wa jall sont dépassés faut se mettre en colère mais pas de la colère qui elle est une chose qui devient nuisible lorsqu'elle n'est pas à sa place. Après il y a armal al-lisan, les choses qui sont liées à la langue, aux paroles. Et il dit qu'elles sont, elles se basent sur sept khisal, caractéristiques. Le fait de prononcer le tawhid, de lire du Coran, et d'apprendre le ilm, et de l'enseigner, et les doigts, les invocations, le zikr, les vocations, également le stirfar, et les paroles, le fait de délaisser les paroles inutiles. Il y a ensuite Armel Baden, les œuvres des membres. Et il dit qu'il rentre dedans 38 caractéristiques. Donc en tout, il aura regroupé toutes les caractéristiques à travers ces choses-là. Et il y a des actes qui sont, eux, personnels, et des actes qui sont, eux, généraux. Par exemple, la purification. Ça, c'est une chose qui est personnelle. Quand je dis personnel, je veux dire individuel. Voilà, individuel, en fait. C'est un acte que chacun doit faire pour lui-même. Comme se purifier. Purifier les membres et purifier le cœur. Le fait de nourrir les pauvres et d'honorer les invités. Et le siyam, l'obligatoire, surrogatoire. Et l'irtikaf. Et le fait de chercher les lettres al-qadar. Et de faire le hajj, de faire la omra. De faire les tours autour de la Kaaba. Voyez, firar bid-din, comme il explique l'auteur. Fuir avec sa religion. Également la hijra. Min dark shirk. Min dark shirk afouen. Le fait de d'émigrer des pays de shirk. Tout cela, ça rentre dans la foi. Dans les branches de la foi. Des actes des membres. Wal wafa bil nadr. Le fait de respecter ses vœux. Et autres. De respecter les serments qu'on a pris lorsqu'on dit wallah sur une chose. Qu'on s'y tienne. Et si jamais on ne s'y tient pas, qu'on doit faire l'expiation. Selon les règles. Ensuite, il y a d'autres actes. Qui sont comme par exemple la chasteté en se mariant. De rendre le droit aux familles, les gens qui sont en notre charge. Bir al-walidain, l'obéissance des parents. Et également éviter le contraire. Wa tarbiyat al-awlad, l'éducation des enfants. Silat al-rahim, entretenir les liens de parenté. Torat et saadat. Et le fait d'obéir aux gens qui ont autorité. Wa rifq bil-abid, et d'être miséricordieux envers les esclaves, pour ceux qui en ont. Et aussi des choses qui sont générales. Comme le fait qu'il faille, justement, avoir un gouverneur. Une autorité. Excusez-moi. Donc on poursuit. Tayeb, le fait... je disais, le fait qu'il faille gouverner avec justice, s'accrocher au groupe, d'obéir au gouverneur, de réformer entre les gens, réconcilier entre les gens. Il explique également le fait de combattre les Khawarij et l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable et d'appliquer les sentences de la religion, de faire le djihad. Et tout ce qui s'ensuit. Il cite à différentes choses. Donc tout ça rentre dedans. Et les choses qu'on a citées là, il les a listées comme ça. Elles ont tout un dalil qui est lié à la foi. Il y a un hadith qui dit مثلاً من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وفعل كذا ومن فعل كذا إيمانا واحتسابا. Des hadiths qui viennent, qui rattachent les actes qu'on vient de citer là, ils sont tous rattachés à la foi. نعم. ثم يقول في السؤال التاسع والخمسين بعد المئة 159e question. Ma dalil al-ihsan min al-kitab wa sunnah. Maintenant, c'est quoi la preuve de l'ihsan, qu'on appelle la bienfaisance, dans le livre et la sunnah? Et cet ihsan, il est de deux catégories. Il y a l'ihsan qui est des serviteurs avec les créatures, et l'ihsan qui est entre le serviteur et le créateur. Là, on est toujours dans le siyaq du hadith de Jibril. D'accord, là maintenant il passe à l'Ihsan. فيقول أدلته كثيرة، ومنها قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Donc il y a plein de adilla, et parmi eux la parole d'Allah où il dit et soyez bienfaisants et Allah aime les bienfaisants. La vache, verset 195. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Et que Allah est avec ceux qui craignent et ceux qui sont bienfaisants. Les abeilles, verset 127 ou 128. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَّهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et que celui qui soumet son visage à Allah en étant bienfaisant, c'est certes accroché à l'anse la plus solide. Luqman, verset 22. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Et ceux qui ont été bienfaisants auront, ils auront la meilleure des récompenses et plus encore. Yunus, verset 26. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Et est-ce que la rétribution de la bienfaisance n'est autre que la bienfaisance? Celui qui est bienfaisant ne trouvera que son équivalent. La bienfaisance également. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Que Allah a écrit la bienfaisance dans toute chose. Apporté par Muslim, le hadith de Ya'la ibn Aus. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعما للعبد أن يو أن يتوفى بيحسن عبادة الله وصحابة سيده ونعم له. Il a dit quelle bonne chose pour le serviteur qui meurt tout en étant en excellent dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc cette bienfaisance, oui, elle est traduite également parfois par l'excellence. Et ce terme, il est bien également, excellence. Quand ça touche à ce qui est entre Allah et le serviteur. C'est-à-dire que la chose, tu l'as parfait. Dans l'adoration, tu l'as parfait, car tu sais que Allah te voit, comme cela va venir. Yaqulu fi sawal as-sittin ba'd al-mi'ah, 160e question. Ma huwa al-ihsan fi al-ibada. Donc maintenant, c'est quand justement, c'est là qu'on en parle. C'est quoi cette excellence dans l'adoration? Quel est le niveau de l'excellence dans l'adoration? Fassarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadith sawal Jibril lamma qala lahu فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم expliquait c'est quoi cette excellence dans ce hadith de Jibril. Lorsqu'il a interrogé Jibril, il a dit فَمَا الْإِحْسَانِ, c'est quoi l'excellence? Il a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis cette excellence en deux catégories, dont une qui est plus haute que l'autre. Et la plus haute, c'est laquelle? C'est de savoir que Allah te voit. D'accord? C'est le fait que Allah te voit. قال وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشارته لله تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يسير الغيب كالعيان وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. Donc maintenant c'est quoi? C'est le fait d'appliquer un acte tout en essayant de se rappeler que Allah te voit, ce qui va impliquer que la chose tu vas la faire de la meilleure façon. Ça s'appelle comment? Afouen, je me suis trompé. Que tu fais la chose comme si tu voyais Allah Azza wa Jal. Afwan, je rectifie. Ça, c'est l'autre partie qui va venir que je viens de dire. Que tu fais la chose comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'imagines que tu vois Allah. Quand je dis t'imagines, tu n'imagines pas Allah. Tu peux pas. Tu n'as pas le droit. Mais tu t'imagines que tu le vois. Comment tu te comporterais si tu le voyais, en fait? D'accord? Comment tu agirais si tu le voyais? Il est certain que tu ferais les choses avec perfection. D'accord? Avec perfection. Et après, il dit, la deuxième partie, du hadith, c'est maqam al-muraqaba. C'est le fait de se sentir observé et surveillé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais tu ne vois pas, sache que lui te voit. Donc quand tu fais une chose, tu sais qu'Allah te regarde. Et tu sais qu'Allah azawajal te voit. Et que tu sais que ce que tu fais est écrit. Et que ce que tu fais sera pris en compte et que tu seras interrogé. et que ce que tu fais pourra te servir ou te nuire, t'être profitable ou t'être préjudiciable. Cela, ça dépend comment tu le fais. Quand tu fais une obéissance, tu espères qu'elle te sera profitable. Donc, tu en fais le plus possible. Et quand tu désobéis, tu sais qu'elle a ta vue et que cette chose-là est mauvaise et qu'il n'aime pas, tu fais en sorte de ne pas la recommencer, de la délaisser, de la regretter. Et celui qui agit de la sorte, il ne fera que aller de l'avant et s'améliorer. Il sera toujours amené à fauter, mais là, échec. Mais il saura se rattraper. Il saura se rattraper et faire les efforts pour ne pas récidiver. Non. Taïeb. Donc là, on a fini ce ders. Taïeb. Qui concerne Al-Ihsan, l'excellence. Et dans les prochains doulous, dont demain, Bismillah Ta'ala, on rentrera dans ce qui s'oppose à la foi. Et les formes de kufr et de nifaq. Wallahi azabillah. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته